c'est l'émission rap de référence. Planet rap. 20h21h. Ce soir, Planet Rap Niska. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée en direct. Les images sont sur skyrock.fm, sur l'application Skyrock. Elles sont évidemment sur Skyrock dans la France entière. Comment ça va, Niska? Ça va. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu trop calme. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils arrivent là, tu les vois pas. Ah, c'est ça, les gars ils énervés arrivent. Ouais. Ils sont là, oui, ils sont en bas pour l'instant. Ouais. Ils sont dans le sas de décompression. Voilà, exactement. Bon, tout va bien? Ouais, ça va. À quoi, 4 jours de la sortie? Ouais. Charo Life? Ouais, là, 3 jours même. Oui, 3 jours, c'est vrai, 3 jours. On peut précommander dès maintenant, on peut y aller, on peut l'avoir. Comme précommander. N'hésitez pas, hein. De toute façon, je pense que ce sera du lourd, donc vous n'allez pas être déçus. Bon, il faut me présenter un peu tout le monde, parce qu'hier, je reconnaissais personne. Donc, là, aujourd'hui, il n'y a pas de cagoule. C'est bon, aujourd'hui, il n'y a pas de cagoule, donc on peut y aller. Un peu tout le monde. Donc, qui est déjà au micro alors? Là, t'as Rako. Rako, il était là hier. Oui, ça, je sais, mais là, t'as. Reconnais la barbichette. T'as Skaoji. Ouais. Après, il y a normalement comme les deux JR, Traffic NT, Brigue, ils arrivent. Après, comme aujourd'hui, comme invité, t'as le groupe 1D3. 1D3, c'est un groupe local, un groupe de chez moi. Un groupe du 9-1. Ouais, Evry, plus précisément. Evry, ouais. Après, t'as Red One BH. Je sais pas, les gens ils doivent connaître sur internet. Ouais, c'est bon, Monument Vivant. Voilà, il sera avec nous aujourd'hui. Là, en tout cas, la présentation était parfaite. Hein. Et il y a Al Capote. Il y a Al Capote aussi. Al Capote venu, aussi, du 9-1. Ouais, et un autre ami à moi, Malasson. Il y a Malasson qui sera là aussi aujourd'hui. Et bah très bien, on découvrira un petit peu tout le monde aussi au micro au fur et à mesure. Et il y a Crime Partner qui est un groupe local du Charlie Delta de mon quartier. Qui sont aussi venus avec moi aujourd'hui. Donc voilà, il y a des invités aujourd'hui. Il y a des invités, il paraît qu'il y a un gros live encore de prévu ce soir. Ouais. Hier c'était lourd, hein, vous avez mis la barre au tir. Hein. Comme d'hab, hein. Comme d'hab, on essaie. Donc on va voir si ça peut tenir encore ce soir. Ça va tenir. Normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Ouais. On débute avec un extrait de Charo Live, c'est parti. Vas-y. Le Ochoa. Ouais, Ochoa. Ochoa, allez, c'est parti, coup d'envoi de ce Planet Rap. Le hashtag c'est Niska sur Skyrock. Pour balancer tous vos messages et puis le portable, je vous refile le numéro dans un instant. La jalousie, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Crois-moi, je te l'assure. Corrosifu. Hey. Les médias vont me censurer. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. Fuck. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les paires de fesses. L'Afrique est en pleurs, y'a mon plat qui m'appelle Brazzaville. Toi tu penses que ici ça bibi juste pour se planter, hey. On n'est pas gangsters, nous charognards. Qui peut te planter, qui peut te plomber, hey. Ta vie tous les jours, bibi tous les jours, oh. Les mecs d'à côté font les fous, oh. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four? Bang bang bang. Mais où sont les vierges? Que des agiteurs. Négro type comme Martin Luther. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commence à prier au cas où ça va tirer. Pour mes charrons. Couplet, je découpe. Tu veux le B9, tu la coupes. Nico, tu payes si tu touches. Ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Z là. Rimka aurait dû jeter par la fenêtre. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit. Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple, le monde entier. Mon meilleur ami, c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. Je vais investir dans la repier. J'fume ma Audi couche. J'compte mes liasses. Pendant ça, Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture. Pourtant, elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore. Il reste des bons hommes comme Gradu. Mais où sont les vrais? De des quiproquos. Si je pète le million, la cotine à Mboka. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Mes charrons écroués, envie de papiers. aujourd'hui je prends le large. Je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Le jour y passe et je vois les lâches. Ouais. Ouais. Aujourd'hui je prends le large. Au choix, justement un morceau où tu chantonnes d'ailleurs justement. Ouais, dessus. Où je chantonne. C'est un exercice, exercice particulier. Non, pas spécialement, c'est un morceau dont la prod me parlait. Je suis parti en studio, les notes elles sont venues comme ça, les textes sont venus comme ça, j'ai tout enregistré, voilà. Bah tu parles plein de choses, il y a des choses personnelles d'ailleurs, c'est pas uniquement que de l'ego trip hein, d'ailleurs Niska. Non, Niska c'est pas faire que de l'ego trip, c'est tout faire quand même. Si on décode bien, il y a, voilà, bah, y a, tu parles de ton fils, ouais. A priori dessus, qui prend de l'âge, ouais. Qui grandit, donc t'as été jeune papa. Exactement. Ça a changé forcément plein de choses dans ta vie, non Niska ça... Plein de choses, je dirais pas, mais disons que ça fait prendre en maturité. Ça fait prendre la maturité énormément, c'est tout. Après, voilà, faut faire la part des choses. Après, faut faire la part des choses. Tu lui fais écouter tes sons ou il est encore un peu trop jeune ? Non, je suis pas de ce genre. Il est trop jeune. Chaque chose à sa place, voilà. Et chaque chose en son temps. Exactement. Ouais, puis on décode aussi des morceaux. Il y a un petit clin d'œil aussi à ton papa, aux origines aussi de Niska. Ouais. C'est ce qui t'a donné envie peut-être aussi de mettre des petits mots de Lingala parfois dans. Ouais, exactement, dans quelques morceaux. Dans quelques morceaux. Ouais, de Charo Life. Ouais. De Charo Life. Ouais, dans quelques morceaux, tu peux retrouver des paroles en Lingala, qui est ma langue natale, tu vois, ma langue maternelle. Et ouais, parce que j'aime bien retransmettre ce côté africain à travers mes morceaux, tu vois. Donc voilà. T'es retourné récemment en Afrique, t'as eu l'occasion Ouais, il y a 2-3 mois, je crois, j'étais au Sénégal. Ben, quand j'ai fait tous les clips au choix, justement. Voilà, j'étais au Sénégal, c'était un beau moment. On a pu profiter aussi pour faire un petit show là-bas, voir l'ambiance et franchement c'était le feu. Et alors gros big up à eux, c'était le feu. Je sais que t'étais à La Réunion aussi, alors ça c'est pareil, hein, Réunion, un petit peu plus loin encore. Et... Laisse tomber, c'était accueil de ouf La Réunion, c'est inexplicable quand même. Et puis il y a des concerts avec Niska, hein. Je le disais le 27 octobre, ce sera du côté de Lyon. Le 31 octobre à Bordeaux, le 4 novembre au Splendide de Lille et 5 novembre. Le 5 novembre. À domicile. Enfin, la cigale, n'hésitez pas à aller, allez-y, prenez vos places, venez parce que le show qui vous attend, vous n'êtes pas prêt. Je pense que ça va s'arracher, qu'il faut aller très vite chercher ses places. Ouais, exactement. La cigale étant une petite salle hein, pour ceux qui connaissent un peu Paris, région parisienne. Donc, voilà, c'est pas la plus grosse salle, quoi. Disons que c'est pas Bercy. Mais ça viendra. Ouais, pourquoi pas. Bah, attends. Pourquoi pas. Chaque chose en son temps. Bien sûr. Là, c'est le premier projet. En plus, tu l'intitules plutôt comme une mixtape, même si. Ouais, même si quand même bien travaillé, que ce soit les prods ou. Bah ouais, mais même si c'est une mixtape, on se doit de bien travailler. C'est l'objectif premier, quoi. Niska avec nous, tiens, j'ai vu passer Al Capote aussi qui est dans le coin. Ouais, Al Capote, viens, Alka. Al Capote, il t'évoque quoi, toi? T'as écouté beaucoup Al Capote? Bah ouais. Bah ouais, j'ai écouté à fond hein, Al Capote, étant plus jeune. L'Empereur, son album L'Empereur, pour moi, qui est le meilleur. Tu vois que c'est son meilleur projet pour moi et que j'ai cramé étant petit, je devenais fou. Est-ce que tu as écouté dernièrement les derniers projets sortis, je pense à... Ouais, j'ai écouté, mais je ne les ai pas savourés autant que L'Empereur. Tu vois, L'Empereur, c'était mon truc. C'était mon... Ouais. Ça va bien, Al Capote? Pute. Il est là. Ah, il est là, c'est bon, il est arrivé. Il va très bien parce qu'il est passé la semaine dernière avec Vald. Ouais. Il a fait que 3 fois pute. Bah là, il a dit 10 fois. Alors, ça veut dire qu'il va mieux. Plus d'amour pour Niska, ça vient d'Evry, frère. C'est la jeunesse de ma ville, frère. Plus d'amour pour Niska. Donc, autant vous dire qu'il est très en forme. Ça va bien, Al Capote? En forme? Top de ma forme, frère. Bien. Mais ça fait plaisir de te voir. Si. Aussi pour le projet. Toi, Niska, c'est les rapports que t'as avec Niska. T'as entendu parler du garçon comment? Il y a un petit moment aussi. Ouais, voilà, ça fait un petit moment que je le connais, que je le suis. C'est la jeunesse, frère. J'espère qu'il va réussir là où on a échoué, mec. Bah, c'est pas fini ta carrière. Non, normal, frère. Le rap, c'est un truc de jeunes, frère. Faut laisser ça aux jeunes. Bah, attends, t'es pas non plus à l'abri d'un disque de platine. Non, frère, faut rester réaliste. Ouvre les yeux, Fred Musa. Qui sait? Qui sait? Normal, frère. Moi, je suis toujours positif. Moi, j'ai toujours aussi envie de donner beaucoup d'amour à tout le monde. Et pourquoi pas du platine aussi à tout le monde. Evry est dans cette pute ce soir. Voilà. Et bah, très bien. Dans cette pute de Skyrock. Il y aura donc du live à pas louper entre 20 et 21 tout à l'heure. Ce sera dans l'émission. On met un morceau d'Al Capote. Je crois qu'il y avait un morceau d'Al Capote de prévu, Niska. Ouais. On le balance maintenant. Ouais. Tourbillon. Tu veux le balancer maintenant? Ou je sais pas, mais parce que comme tu m'as dit, il y aura du live. Vas-y, on le balance maintenant. Allez, on balance Tourbillon maintenant sur Skyrock. Al Capote, c'est lui. Écoutez. Nos défaites, oublions le rasmet, le doyon, consomme du lourd pilon, perdu dans le tourbillon, ce doyon, des millions, Hassanet, bah voyons, faut faire nos ablutions, au paradis, nous irons, nos défaites, oublions le rasmet, le doyon, consomme du lourd pilon, perdu dans le tourbillon, ce doyon, des millions, Hassanet, bah voyons, faut faire nos ablutions, au paradis, nous irons. J'ai beaucoup d'ennemis dans le rap, mais je les fuck. Je veux m'enfuir d'ici, parce que tous, c'est des lops. La chata, Selma Hayek, ou de Cruz, Pénélope. Produit illicite en cuir en peau, bébé phoque. Aigle royal, balafré, tout comme Franck Ribéry, sale salope. RDV, devant le franc, prix d'Evry. C'est la nuit que mes putains de vent, pire sévice, trop de police. Dans la ville, on est en qui déguise. DG Pro, annulé, mon pote faux. Assuré, j'fume un gros, calumé, pour mon co, t'as de fumée, du sonco, agulé, j'bois le whisky, au boulot, cagoulé, pas de bêtises, ou tu te feras engueuler, mec je t'éclate la gueule, et je vais à Naples, s'il faut je défonce la porte, ou je la scie à la meule, j'traverse pluie, diluvienne, à l'arrêt, mi-julienne, pour les épicuriens et les épicuriennes, nos défaites, oublions, le rasmet, le doyon, consomme du lourd pilon, perdu dans le tourbillon, ce doyon, des millions, Hassanet, bah voyons, faut faire nos ablutions, au paradis, nous irons, nos défaites, oublions, le rasmet, le doyon, consomme du lourd pilon, perdu dans le tourbillon, ce doyon, des millions, Hassanet, bah voyons, faut faire nos ablutions, au paradis, nous irons. Je veux zapper le passé et aller de l'avant. J'ai le cerveau embrumé, j'ai fumé de l'afghan, de la frappe, de Meda, du pollen, du Maroc. Ces bâtards de médias ne nous ouvrent pas la porte. Boycotté, négligé, je suis sous-estimé. Faut des sous et vite fait, rien que pour respirer. Mec dans toutes les cités, c'est la même, on galère. Mes lyrics sont amers, c'est le fruit de mon salaire. Ici rien n'est gratis, des habits, des actrices. Mec c'est fluide et ça glisse. Faut rester réaliste, pas d'esprit négatif, mais un calme olympien. Ou comme Dieu, pour arrache, tu crèveras comme un chien. Je toucherai pas le gros lot dans ce pays idomo. C'est des flammes infernales que le diable me propose. Je vais arrêter le rap et passer à autre chose. C'était ma dernière valse, je vais me laver à l'eau chaude. Nos défaites, oublions, le rasmet, le doyon, consomme du lourd pilon. Perdu dans le tourbillon, ce doyon, des millions, Hassanet, bah voyons, faut faire nos ablutions, au paradis, nous irons, nos défaites, oublions, nos rasmet, le doyon, consomme du lourd pilon, perdu dans le tourbillon, ce doyon, des millions, Hassanet, bah voyons, faut faire nos ablutions, au paradis, nous irons. C'est extrait de l'Orgasme Mixtape 2, hein, c'est ça, Capote, je me prends. Ouais, l'Orgasme Mixtape 2, pute. Voilà, qui est sorti il y a déjà quelques mois maintenant et qu'on retrouve un peu partout dans les bacs. Le morceau qu'on écoutait à l'instant, Tourbillon sur Skyrock. El Capote est là aussi ce soir entre 20 et 21. Niska qui nous présente aussi, voilà, des gens du quartier, des gens de près de chez toi, ouais. Du 9-1. Il y a ELC aussi, ça, que tu veux nous présenter après. L'un des trois, il y a un des trois. Un des trois groupes composés de ELC et DES. Tu vois, ils sont là, ils sont avec nous dans les studios ce soir. Je refais la représentation, tu vois, vas-y, parce que tout le monde était là. Et donc, puis pour tous les gens qui arrivent là en ce moment. Il y a Redouane, je vais le laisser se présenter parce que j'aime bien comment il se présente, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est bon, avec mon petit Niska, fondateur du mouvement Bendona Bendo. Si tu ne connais pas Bendona Bendo, c'est un péché. Bendona Bendo, Bendona Bendo, Bendona Bendo, Bendona Bendo. Charognard, c'est moi-même, Pitu de Castel Bajac, Redouane BH, l'ambassadeur de la comédie, la sape. Redouane qui donc était élevé avec toi en fait, hein, qui est un peu ton frangin, j'ai l'impression. Voilà, ouais, voilà. Eh ben, bienvenue, ouais. Redouane, ça va, en forme? Ouais, merci pour toi de donner de la force à des gars comme mon gars Niska. Ça fait plaisir, Sky. On a rêvé, toucher le Sky, on y est. Ouais, c'est bon. Eh ben, bienvenue, voilà. Redouane. Donc, Redouane, tu fais partie d'un collectif, d'un groupe. On fait partie de la même ville, déjà, c'est un truc de ouf. tu vois. Après, bon, on est le même mouvement. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, Bendo na Bendo, c'est un mouvement. Mmh. C'est ce que les gens commencent à adopter, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le frère, il est en train de faire du bruit. C'est parce qu'il est là, il s'enjaille, il enjaille les gens. Et bah, moi, ça me flatte, tu vois, qu'il m'appelle et qu'il me dise aujourd'hui d'être là avec vous. Et je suis flatté aussi pour lui de le voir aujourd'hui sur Sky faire son putain de planète rap avec Monsieur Fred. Ça fait plaisir. Yes, 9-1 Connection, baba. Et moi, ça fait plaisir aussi de vous découvrir tous autour de Niska durant cette semaine entre 20 et 21. Voilà. On continue la présentation. Allez, allons-y. Il y a le morceau ELC aussi à passer. Ouais, t'inquiète, vas-y, on continue, on fait vite fait. Donc vas-y, après, il y a Crime Partner qui sont là aussi. Crime Partner. Attends, je vais laisser se présenter. Ouais, Crime Partner, Landers. Landers, c'est Blow. Donc petite présentation de Crime Partner, voilà. un petit CV express, j'ai envie de vous demander. Un petit CV express de Crime Partner. Ouais, où est-ce qu'on peut vous écouter, vous trouver? Evry, à moi, Blacky, Landers, Thierry Delta, Python Beta. Voilà. C'est la même. C'est la famille quoi. C'est les grands frères. Ouais. C'est les grands frères de la Neuzo, tu vois. C'est les grands. Parce que nous c'est Charlie Delta et eux c'est les plus grands, ceux qui étaient là avant nous, ouais, sur lesquels on s'inspirait. Maintenant on peut dire que c'est même plus un petit Niska. Ouais, mais on a toujours ce respect mon frère, c'est important. Après voilà, on continue donc avec moi après ce soir, Yamalasson, je vais laisser se présenter. Ça va bien Malasson? Moi c'est Malasson de l'Essonne. Malasson de l'Essonne. Ouais, c'est simple. Comme ça on peut retenir facilement, c'est ça. Ah, tu retiens facilement. Malasson de l'Essonne. Ouais. Alors un petit mot pareil, un petit CV express pour toi Malasson. Un petit CV express, ben moi quand j'ai commencé le rap, j'étais aux côtés de Niska. On n'était pas un groupe mais on rappait tous dans le même collectif. On est évolué, le temps ils sont passés et là aujourd'hui Niska est à Planète Rap. On est venu foutre la merde avec lui comme il se tourra. Voilà, bon, on va pouvoir vous découvrir en live dans un instant tous ensemble. Voilà. On met quoi comme ah non, tu veux encore présenter quelqu'un? Vas-y. Je pense que c'est déjà présenté, tout le monde sait qu'il est là, c'était Al Capote. Hein, Al Capote qui est là voilà. Aussi avec nous. Qu'est-ce qu'on met comme titre? Alors on a le Crime Partner, est-ce qu'on met le LC? Bah commençons par l'ordre, donc on va faire ELC après Crime Partner. Allez, ELC c'est parti maintenant sur Skyrock. Présentation en musique des invités de Niska qui vont passer en live d'ici quelques minutes. J'ai des rebeux, des amis noirs qui flairent la maille comme des malinois. Mes ennemis sont près de moi. Je me calerai bien à Havana ou bien Copacabana. Ici c'est la merga, à 23h y'a plus tabac. Donc pas de club, pas de massa. Dans le calbar du zère bien gras. On regrette l'époque de Camara. Y'a que les morts qui reviennent pas. Si je t'allume je te louperai pas. Et je m'arrête pas et je m'arrête pas. Le but je le fuck sans Camagra. T'as vu tes potes défiler quand tes problèmes sont arrivés. T'as pas mis de capote, tu deviens un papa prématuré. Dans ta tête t'as saturé. Les coups de rein faut les assumer, sinon le passé va te rattraper. Balance tu as osé, mais les petits vont t'humilier. T'as dealé tout l'hiver pour pouvoir être frais cet été. Dans la bière, t'as rajouté le verre pile dans les airs. Où y'a pas de bouchon, fais le tour de la sphère. Vois d'autres horizons, j'suis sur une plage là, y'a pas de béton. Les poteaux sous commission, viennent tous de béton. Ok, personne ne m'a pistonné, j'remercie le pistolet. À quatre pattes le rap français, j'ai les outils pour un pistolet. Un des trois sponsorisés dans tous les blocs de ma cité. Les types sont excités, au point de charrette tous les condés. La somme est sous sommier, haïe, haïe. Le calibre est sous l'oreiller, zingam, zingam. Le joint est sous le cendrier, foula, foula. On sait qu'on saucisse des salés. Mon pote, il faut que tu saches, dans la rue faut du courage. Oui, prends de large, histoire d'évacuer sa rage. T'es sur l'autoroute, sur mon son tu passes des tonnes. Tout en étant gang, faut son reggaeton, aïe. Tout en étant gang, faut son reggaeton, aïe. J'pose sur le reggaeton, aïe. Tout en étant gang. Tout en étant gang. Bang. T'as dealé tout l'hiver pour pouvoir être frais cet été. Ajouter le verre pile dans les airs. Où y'a pas de bouchon, fais le tour de la sphère. Vois d'autres horizons, j'suis sur une plage là, y'a pas de béton. Les poteaux sous commission, viennent tous de béton. La somme est sous sommier, haïe, haïe. Le calibre est sous l'oreiller, zingam, zingam. Le joint est sous cendrier, foula, foula. On sait qu'on saucisse des salés. Mon amour. Dans les airs, fais le tour de la sphère. J'suis sur une plage là, il y a pas de béton. Les poteaux sous commission viennent tous de béton. t'as dealé tout l'hiver pour pouvoir être frais d'été. Dans la BR, t'as rajouté le verre pile dans les airs. Où y'a pas de bouchon, fais le tour de la sphère. Vois d'autres horizons, j'suis sur une plage, là n'y a pas de béton. Les photos sous condition, viennent tous de béton. Haï, haï, Mzinga, Mzinga. Niska avec nous entre 20 et 21 et puis donc ELC aussi sur Skyrock. C'est ce qu'on écoutait à l'instant puisque tu as décidé de mettre un coup de projecteur aussi. Tu profites de cette semaine pour mettre un coup de projecteur sur les gens qui t'entourent, sur les gens de ta ville, sur 9 ans. Et puis je pense que c'est important. N'oublie pas d'où l'on vient. C'est d'autant plus important pour une ville notamment comme Évry. Alors c'est vrai qu'il ressemble à plein de quartiers de France aussi, mais qui a été touché, où il y a eu des jeunes qui sont partis trop tôt parfois pour des histoires entre quartiers. Donc c'est bien aussi un moment de au moins montrer qu'il y a des forces un petit peu dans chaque quartier. Bien sûr, bien sûr. Et faire passer tout ça au-dessus. Bien sûr, c'est important de montrer tout ça, de ramener différents quartiers, de montrer qu'on est soudés, tu vois. Parce que partout, même tous les petits frères qui m'écoutent aujourd'hui sur la radio, il faut qu'ils sachent que les embrouilles, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu vois, toutes ces galères, tous ces problèmes-là, ça mène à rien. Pleurer des familles. Parce qu'au final, même tous les mecs avec qui on a eu des galères ou je sais pas quoi, aujourd'hui on se retrouve ensemble, on parle, on discute et en fait on voit que, tu vois, ça a mené à rien du tout. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux donner à tous les petits frères qui m'écoutent aujourd'hui sur Skyrock et qui nous écoutent ici. Tu vois, parce qu'on est tous là et je pense qu'on est tous d'accord sur ça, tu vois. Et voilà. Pour en tout cas, c'est ce que tu fais très bien. C'est important de le souligner, notamment pour la ville d'Évry et, ouais, c'est important. Et pour tous les quartiers d'Évry. Évry, surtout le 91 aussi. Et le 91, ouais. Ça a été beaucoup négligé ces dernières années, tu vois. Bon, après, bon, il y a eu ici Nick et James, tu vois, mais moi, je te mens pas. On ressemblait pas trop à tout ça, tu vois. Après, c'est plus ma génération, tu vois, à moi, tu vois, mais. Et Évry, Grigny, Corbeil, tu vois, faut pas négliger ça. Dans le 91, tu vois, si les gens aujourd'hui, ils entendaient parler de notre département, c'était pas pour du rap, mais plutôt pour des conneries, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait plaisir que. Ben, parce qu'un mec qui fait du bon travail, il est reconnu à sa juste valeur, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien en plus chez Niska, c'est ça, c'est son truc Charo, c'est pas juste une marque ou un département ou une ville. Charo, c'est un mouvement, c'est un délire, tu vois, c'est sans jaillir Charo. Voilà. Les gens, ils ont tendance à confondre souvent. C'est nous, ça. On veut pas dire, il n'y a pas de département spécifique Charo. Tout le monde est Charo, mon frère. Si t'aimes être un charognard du son, eh ben t'aimes Charo, c'est tout. C'est ça son délire. Moi, tu vois, au début, j'étais pas forcément dans le truc rap, tout ça, mais quand le mec, j'ai vu comment il en jaillait des gens dans des boîtes et tout, et bizarrement, t'entends les gens, ils disent, mais c'est un gars de chez toi. Je dis, ah ouais, Niska. Et quand le frelon, je le vois, et le quartier, il est normal. Jusqu'aujourd'hui, ça reste un mec normal, tu vois. Et son message qu'il véhicule, c'est toujours le même. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et Charo, c'est juste. S'enjailler, s'amuser, tu vois. Et c'est réunir autour de tout ça, quoi. Grigny, Évry, Corbeil, les Ulysse, tout. Et ce que tu disais, voilà, c'est en effet, c'est se démerder et continuer à avancer. Voilà, c'est un vrai démerdeur. C'est pour ça que c'est le mot charo, charognard. Exactement. C'est un démerdeur. État d'esprit, mon frère. C'est comme Matuidi dans le PSG, mon frère. C'est un charognard. Et vous êtes déjà rencontré ou pas, d'ailleurs, avec Matuidi? Non, pas encore. Il y a déjà eu une rencontre ou pas? Vous êtes parlé au moins ou il n'y a pas encore eu? Non, pas encore. Mais bientôt, ça va arriver. Ok, il y a déjà la danse qui représente à chaque fois. Donc, le côté. Team Charo mais aussi. Je te rassure, il connaît le petit. J'ai parlé avec lui il y a deux semaines. Du petit, il le connaît très très bien et il aime son truc, tu vois. La preuve, quand il marque, qu'est-ce qu'il fait, Mathieu? Eh ben, voilà, tu sais très bien. Il fait la danse du Charo. Voilà, il n'y a pas que lui, hein. Maintenant, ils font non, tout ça. Non, il y en a pas mal, ouais. Bientôt, c'est Messi, Ronaldo qui vont le faire. En plus, sincèrement, bon. Depuis que Niska il a dit Mathieu de Charo, je sais pas s'il a donné une force spéciale ou le marabout l'a envoyé Mathieu dit, mais il met des reprises de volée, il met des. C'est un Marseillais qui parle. Mais Mathieu dit, donc, le message est passé pour tous les joueurs de foot. Voilà. N'hésitez pas à faire la danse. Il y a des bonnes vibes au-dessus. Voilà. Bon, à part Messi qui a tenté mais qui s'est blessé un petit peu là. Il avait répété pourtant. Il a essayé. Ouais, il a essayé mais compliqué mais... parce qu'il a peut-être pas l'état d'esprit, tu vois. C'est ça, ouais. L'essentiel c'est juste qu'il aille le 6 octobre acheter le truc, tu vois. Voilà. Le 2. Je suis à l'ouest. Je suis un vrai charognard. Moi je vais le péter à la Fnac le machin. Il peut. Je plaisante. Bien sûr, avec modération. On continue plus. Bon, bougez pas dans un instant. On remet un titre aussi. Cette fois-ci, c'est Crime Partner. Crime Partner, s'il vous plaît. Ce sera après la pub. Bougez pas, le retour du Planet Trap. Et il y a le gros freestyle qui se prépare aussi. Juste après ça. Voilà, voilà. 20h, 21h, Planet Trap, Niska. Planet Rap. Skyrock. Avec Crime Partner, Trap King maintenant. Dans le Crime Partner. Piton, bêta. Ouvrez. Bye bye. c'est qui? Si c'est pas nous, c'est qui? CPG, Trap King, Trap King, Trap King, Trap King, Trap King, Trap King. J'viens cracher ma haine sur le trap. Ni sa mère, c'est que du beurre. Trap King, Trap King, Trap King, Trap King. Vos négros, rien à foutre, tout chaud, j'ai une fusée chargée. Le négro tête en l'air, sur le banc des accusés, fleur que la juge, putain de merde, mon négro s'est fait charger, charger, charger. Où sont mes vrais dopos qui ne pas qu'en briller? Tes gars sont en fille bien les miens, carnivore, bienvenue dans la team, Vélociraptor. Tu t'acclames shooter, mais ta visée personne. Fais pas semblant ici, c'est là-bas que t'es personne. Contre nous paraît que te remonter, on se marre en bois sans s'inquiéter. Reprends ta gosse sans m'embrouiller, wallah c'est elle qui voulait. Ça tease hard, Blackie, pour fuck hard. Trap ou rap, fuck, on fait du hard. Si c'est pas nous c'est qui? Si c'est pas nous c'est qui? CPG, Trap King, Trap King. J'viens cracher ma haine sur le trap. Ni sa mère c'est que du trap. Trap King, Trap King, Trap King. Sombre la musique, sombre le flow. Comme une caisse en porte à plus de frein. Et si ça rap sale, c'est que le CP est dans le coin. Fuck la Guinness, elle veut nous rejoindre. Les négros n'ont plus de principe pour du peu se transforme en trap. C'est que du peura, façon qui vivra verra. J'ouvre ma gueule quand ça me chante, j'suis du 9 à quoi Patrice et bras. C'est alarmant avec les petits, tu commences à te fight. C'est des niaiseurs, ils sont cloqués, ils n'ont pas le cardio pour la boxe taille. Ils paraissent grands mais en fin de compte ils ont pas de taille. Demande à Nogava, salaud, Mouzen, la belle est Manosai. J'suis tellement mauvais, perdant que tout le monde pourrait en rire. Appelle-moi le coup de boule de Zidane ou la main de Thierry Henry. Si c'est pas nous c'est qui? Si c'est pas nous c'est qui? CPG, Trap King, Trap King, Trap King, Trap King, Trap King. J'viens cracher ma haine sur le trap. Ni sa mère c'est que du beurre. Trap King, Trap King. Y'a SP, y'a Boko, y'a Raisin. Tu tombes ça. Trap King à l'instant avec Crime Partner dans le studio aussi entre 20 et 21, le Planète Rap de Niska. Charo Live, ça sort vendredi le 2 octobre, à pas louper sur Skyrock. Et maintenant, si tout le monde est prêt, je crois que nous pourrons passer au live. On va passer au live, mais attends vite fait, je vais demander à Redouane s'il te plaît de venir nous faire une petite intro là pour lancer le live. Ah, Redouane. Pour lancer ce fucking live. Ça va. Redouane, c'est toi qui donne le coup d'envoi de ce live maintenant. Ouais. Donc Fred, toi tu connais pas le Monument Vivant? Tu connais les charognards, mais tu ne connais pas les monuments vivants. Je ne connais pas assez le monument vivant, c'est vrai. Bon. Si j'ai dit Niska, tout le monde dit ouais, c'est bon. Niska? Ouais, c'est bon. Niska? Ouais, c'est bon. Bendo la bendo. Bendo la bendo. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Avec l'ambassadeur de la musique en ce moment, les charognards numéro 1, l'homme venu du 9-1, Evry. Evry. Ouais. Bendo la bendo. Bendo la bendo. Vas-y. Celui qui fait des ambiances qui t'ambiance comme jamais. Jamais de la comme vie. Jamais de la vie. Bendo na bendo. Niska, c'est mon poteau. Bendo na bendo avec Pichu de Castel Bajac, le fondateur, le créateur du Monument Vivant. Ouais, c'est bon. Dosé. Maintenant, il faut partir en live. Oh, mettez des instrumentaux à la mise de vous. Ouais, c'est bon. Voilà. Attention. Charo Life le 2 octobre. Attention. EVRY. EVRY, c'est parti. Je peux aller, on se rend comme Nafissa tout. Aller où je veux, j'ai de la famille partout. J'étais électrice comme Pikachu. Et je suis délice, tous les petits jaloux. J'avoue, nique les homos, farceur comme Elikaku. Je mets ma capuche et j'évite la foule. Je mets ma capuche et j'évite la foule. Le revolver dans le bistrot. Je prends du notaire et de la liste. Je flingue comme Robert De Niro. C'est dans les ovaires que je vise. Bendo, oui, dis les pyramides, on est toujours là où ça sent le fric. Que des piranhas, chérie, ne m'attends pas, je traverse l'Atlantique. C'est toujours né au chrome dans tes oreilles, c'est intemporel, c'est un bordel. C'est maintenant que Jonathan mène la danse et la roue, j'ai 20 ans d'avance. Comme un fond, gère, j'ai la bonne dosette. Charlotte Hornet, Charlotte Gale, je charme trop mec. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura d'autres. Orgasmic Stage, Blesse au Winfrey, Margot Valviverne. Représente les quins, frites Paris, cocaïné, viens me localiser. Je traîne dans le 9-1 toute la nuit. Mec, je t'épate, enfant de pute, ton sang épate. Retiens mon blaze, ALKPOTE, c'est la base. Sus, pute. Chant live le 2 octobre, salope. L'orgasme, c'est pas toujours dispo. Ok, ça continue, pute. J'suis comme Bruce Willis dans Incassable. Dans ce fou, tu rap, j'suis imbattable. Ajoute-moi sur Instagram et procure-toi ce produit inflammable. Savoure les faces de l'infamac. J'éjacule que sur les Instafams. Pour les faces de l'infamac. J'éjacule que sur les Instafams. J'écris des vers anti-pute, frère. Tu t'es senti du père avec tes bandits vulgaires. Joue pas en remplaçant mais en titulaire. Faut se repentir sur terre, pas comme Francis Huster. Al Capote dans le périmètre. Dans ce putain de rap, j'suis un térimètre. Ouais, dans les faits divers. Plutôt à fumer de la salade des Kinder. Charolette le 2 octobre, putain. Va le chercher. Check. Bye bye. Le réseau. Kodo. Évry les pyramides. Oh, oh, fume plus les gangs. Attention. Le réseau. Bye bye. Le réseau. La drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau, le vol, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Les hommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau. La clientèle, on la fidélise. Le charbonneur est en retard, on le verbalise. Bendo. Oui, on vient d'ouvrir, c'est pas encore un four. Aïe. Je suis dans le micro de brouillard, brouille les ondes. Ton pétard, tu veux des jambes sur Instagram. Fais des passes, radio sur quelques grammes. Tu mets ta bonne, il prend ton de la dame. Si t'as un café, tu prends son contact. Contact. Tellement hardcore, je veux pas voir son visage. Salope, une main sur le dos, je tire sur le visage. Carole des sprocs, si tu me passes ton devant, je serai généreux le jour du partage. Enfoiré du nègre, enfoiré. Faut pas qu'il me calise. Oui, change de tête, pour pas qu'il m'analyse. La drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau, bye. Les folles, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau, bye. Les sommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau. Si la volaille squatte la maison, nous on va brouiller le réseau. Y'a ta reprête si veut ta pseudo. J'ai la bonne scène, j'ai lâché le rideau. C'est terminé, high test, on va les exterminer. J'suis venu en paix, j'prépare la guerre, je fume le calumet. Revenu, anticiper ma venue. J'fais mon revenu, étendre mon empire jusqu'à terre inconnue. Il me faut du réseau donc je sors de la street. Je sors de la street. Trop gentil donc doré la vengeance je serai street. Fuck. Si t'as pas le réseau c'est normal qu'on te les mise. Foiré de nègre. On se voit sur le prochain tarot, c'est parti remise. La drogue, ouais t'en as pas si t'as pas le réseau. Les femmes, ouais t'en as pas si t'as pas le réseau. Les femmes, ouais t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau. Mon petit téléphone résonne. le téléphone résonne. On appelle et je fais une somme. On appelle et je fais une somme. Change de plus comme de pute. Genre je vais atteindre mon but. Change de plus comme de pute. Genre je vais atteindre mon but. Mon petit téléphone résonne. On appelle et je fais une somme. Mon petit téléphone résonne. On appelle et je fais une somme. La drogue, la drogue, la drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Les folles, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Les sommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau, Charo Life. Le pyramide, Evry 80, c'est Charo Life. Le 02 octobre, bra bra bra, oui, Droux, Poupa, Fourri, tout le monde. Pute, vas-y, envoie une instru là, mon gars, on continue. Wesh, l'imam se garde la pêche. Mirador garde la pêche. On est sous vous. 91, Evry, Trini, Corbeil. Au bistrot se garde la pêche, mon gars. Wesh, Como. Wesh, Fou. Wesh, Bougeant. Wesh, Ngar. Wesh, Ibou. Tu nous écoutes, on est là ou pas? Wesh, ma place. Ouais. Bye bye. Hi. Tu fais ta frappe en pécho, Charo Life. Oui. Tu veux ta frappe en pécho, Charo Life. Bendo. Tu veux ta frappe en pécho, Charo Life. Bendo. Tu veux ta frappe en pécho, Charo Life. Tu veux ta frappe en pécho, Charo Life. Fou pour les gangs. Fou pour les gangs. Fou pour les bang. Ils ont peur qu'on arrive le soir. Ben. Les armées sur des euros, nous jamais on t'assoit. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et celle de la femme, c'est Michael Kors. Bend. Tu m'en bats. Allez, chaud. Vas-y, Charo Live. Vas-y, on enchaîne, les gars. Check. Ok. Je tasse mon joint sur ma Michael Kors. Si je baisse ta joint, où est ton corps? Détaille pas ta mission. Ramène pas ta mission. Et puis craveur des alentours, vont te faire la ligue. Moins en moins de E égale plus en plus de haine. Hier, y'a Felk qui sort. Aujourd'hui, c'est Drook qui se mange une peine. Aïe, nique les porcs. Un poteau qui rentre, un poteau qui sort. Un cuchet qui passe, un deux cons qui saute. Une passe qui se passe, genre du périmètre. Pour me gratter ma pièce, de bonnes connexions. De plus en plus de peine dans tes transactions. Je pense de plus en plus à chaque opération. T'as reconnu tant de voix, j'suis à l'intonation. Je combats mes démons. Ok, okay. Bendo la Bendo. Charo Life. Charo Life. Charo Life. À part mon Dieu, moi je ne dois rien à personne. Personne. À part à ma mère. Oui. Ou à mon Smith et Wesson. Ben. Toujours dans les gros coups, toujours dans les gros sommes. Haï, dans le rap game, y'a que des voyelles, boy, je serai la console. Ben, console. Ils ont le seum de ma pute, c'est bâtard. Ils ont le seum car on fait tout seul, on baisse tous ces gros oeils. Baisse tous ces gros oeils. Laquelle de ces femmes, je vais sortir de la misère. Sortir de la misère. Je fais plus featuring, je t'invite dans mon teaser. Séquestration, interpellation, incestration, pénétration. Les petits sont pleins de mauvaises intentions. Ne présente pas sans ton invitation. Il faut encore graille ma ration. C'est le king de ma génération. Garçon, attention, je pèse avec modération. Bendo. L'amour rend aveugle, je ne vois plus ma meuf. Chant pour ma meuf. Je suis dans le tic car basket net. Un gros gamos, je nargue les cœurs. Depuis que je perce, les filles n'ont plus leurs règles. Depuis que je perce, les filles n'ont plus de mecs. Suffit qu'on rende la baie, mon pote. Ça enlève, non, là, c'est octobre. C'est juste octobre. Va chercher. Wesh, les gars. Ah ouais, je vais freestyler ou quoi? Vas-y. L'Anders, ça arrive. La pouka, c'est haram, et t'as des adis. Je vais t'enseigner si t'as besoin d'adis. Faut tout qui par toi, ne cherche pas la bise. Je sais qu'à Iblis, à l'hôtel Ibis, dans une quinta avec mes gaffes, elle fait la chaude, elle est dans le Levis. J'ai crié l'auteur, parle plus fort, j'ai crié le moteur. J'ai eu mal à la tête, je fais des sous, je fais bien un docteur. Aïe aïe aïe. 1-2, ça sent la bœuf. Ça sent la bœuf. 22-22, ça sent les bleus. Ça sent les bleus. Ça sent les bleus. Il y a Trap King aussi dans la maison. Ouais. DJ Maekwan, pull up. DJ Maekwan, pull up. Yo, Jean-Pax. Blacky. Ouais, c'est Blacky, bon. Oh. Como. Blacky. Ah, ok. Charles Lenson, la Charlie Delta. Plutôt Beta. Oh. Ouais. Blacky. Tous parano, mais les grosses pas van armées. Oui. Partner gang. Voici mon armée. Bendra plus sa mère. L'ambiance est trop maussade. Ouais. Je me sens trop mal, mon gars. Viens, on décale. Viens, trop mon banal. Parfois niquer ta mère. Et ta run bitch banale. Seulement la banquette arrière. Blacky Blanc. Salutations à tous mes top dealers. Blacky Blanc. Je représente mon bloca. Mon bloca me représente. Oui. 2 octobre. Blacky. Oui. Yeux. Charles Lens, c'est tout. Va le chercher. 1, 2, 3. Vendeur, puis tombé. Charles Lens, c'est le tout top. Le tout top. Tout le monde veut le paradis, mais qui veut canner? Qui veut canner? Qui gagne? Les derniers seront les premiers. Toujours dit, va nous dire. Vu qu'on est plus proche du pire que du meilleur. Meilleur. Que des crayeurs, plus proche du vrai que des prayeurs. A Tito y'a rien à faire, tu crées toujours ça jusqu'à que le rap m'agace. Une question simple pour ces poucaves, comment faut-il pour se regarder dans une glace? Oh. La monnaie avant les chagas. Tout comme les principes avant le buzz, nigga. Charolai, bang bang. Charolai, le 2 octobre. Wesh les gars, vous êtes là ou quoi les gars? DJ Mike Wayne, t'es chaud ou quoi DJ Mike Wayne? Au jumeau d'Arc. T-E-S-E-S. Je me prendrai pas la tête de bœuf. La réussite, ouais, j'alloupe de peu. J'ai dit t'es l'armée, mais j'en doute un peu. Quand j'entends rapper, on dirait une timpe. Bah, j'ai dit ça depuis le début, qu'est-ce qui t'arrive? T'as concu, on a plein les rimes. T'as baisé ton pote, tout ça pour du khalis. Après, tu t'étonnes que l'addition est khalis. On a les mains sales, tu pas le zèle. T'as pété un billet, un vessie dans la tête. Un vrai des copines, mais les bestes sans la tête. Si tu la revois dans 9 mois, avec un petit aura ta tête. 2014, ouais, le rap, c'est pour nous. Nous, des 3 points, ça comme une rafale dans les genoux. La relève. Ok, 1, 1, 1, 1, 1, test, 1, 2, tu connais 1 des 3, ben ouais, ben je suis l'un d'eux, on est les best, test, des mecs comme moi, on en a pas deux, pas d'heure, pas de faire du cheka, à la vie des bons plans pour la caméra, pull up, ah, vous m'avez perturbé les gars, voilà, ouais, 1, ok, Sanji, si, Charolette, présent le 2 octobre. Malasson, de l'Essonne, pyramide d'un 2G. Vous en voulez là, espèce de petit chien là? Chien. Charolette, le 2 octobre. Allez, cherchons, on va le chercher. Chose promis, chose due. Chi. Chi. 1. Mala S-O-N. Je crois que ça fait le beat comme tous mes haineux. En direct sur Sky, ma gueule. Ne pas tester ou pète ton kiné. Bah, te laisse tomber. Aux rumeurs, j'ai du succombé. Glock dans la bouche, te donne le tempo pour que tu puisses zooker. Je peux niquer ta mère et demain la pétanji. Ma vie tient que sur un coup de fil, ton rêve peut finir en tragédie. Un bon avenir, c'est ce qu'on m'a prédit. Je serai la bonne voie, mais pas garantie. Laisse-moi quelques années pour me promener sur les champs en Bugatti. La frappe que je me sors de Dubaï, pas de Colombie. Pour mon gars, Capson enfermé, je le cache dédié. Fais le foot à ta tête, ah bon. Mais en dehors, tu te travestis. Pas de l'équipe, frère, reconnaisse, va pas besoin de comédie. Dealer, rien à rajouter, et ça très bien que je suis. Let's go, pour mailler, no stress, bang bang. Tu vas donner pour le jeu, c'est que tu me suis. J'ai la que les rapports, c'est pas forcément des dealers. Je suis 7 à 8 bits, t'as seul mon humeur. 3 chichas en moi, dealer. J'espère pas me retrouver sur un live team de tumeur. Si t'es pas beau, je te mets sur Tego. T'es coach, toi en équipe, ça t'es coach, je l'étude, t'es vraiment athlético. Jimson enlève mon écho. L'impression d'être plus, il fait mon pico. Mala est sur un favori de la playlist du tel, tout à pinko. Hey, on va tout décapiter. Ne stress tout, toi le calme, t'as capté. Volant twerk, continuez de jacter. Avec l'habitude, gros, j'ai dû m'adapter. Volant twerk, twerk, continuez de jacter. T'es, avec l'habitude, gros, j'ai dû m'adapter. Charolais, prévu le 2 octobre. Wabino de la méga, il correcte le pied. Mettez ce que je peux. Allez, cherchez, on va le chercher. Je suis pour l'enjeu. Scoring, on est le colo. Alka, vas-y. Alka, c'est parti, pute. Attends, vas-y. Trafic LT. Salope. Trafic LT. Trafic LT. Trafic, c'est le gourou. Bendo na bendo. Trafic NT. suis un charro, pour le meilleur et pour le pire. Ça avance, je reste devant, à tout prix. Blaster ma zeg, mes confrères depuis tout petit. Tu vas danser, genre, oui, oui, oui, oui, oui. Banks, Banks, Trafic, Quinté, Quinté, Charro, Paris, Charro, Life, Charro, Life, le 2 octobre, à tout boulot. Pute, pute, les oeufs, pute, pute, pute, pute. Il paraît que je suis arraché. Leur succès, je m'en bats les couilles. A vrai dire, je suis dans le couteau, oh fuck you too. Je suis dans les tranchées. Avec mes frères, on retranché. Ça opère la journée, la nuit, à la recherche du bénéfice. Comme fait Derrer, je mets que des revers. La concurrence par terre, pas besoin d'un crime partner. Je suis dans le checks, mon gros, ça dure Ferragamo. Je monte dans la Gova, y'a du Ferregola. Saïe, roi de Mujimaï, je suis venu tout Raifo, Namé la maille. Allo, allo, les rappeurs d'à côté, tu veux rapper, je t'invite à reporter. Mauvais comportement, mauvais comportement, auprès du très haut. À la. Mauvais comportement auprès du très haut. Mauvais comportement auprès du très haut. Mauvais comportement auprès du très haut. Mauvais comportement auprès du très haut. Mauvais comportement auprès du très haut. Mauvais comportement auprès du très haut. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Commencez la stup, oui, avec un sans G. Sans G. Commencez la stup, stup, avec un sans G. Avec un sans G. J'ai commencé la stup, j'ai commencé la stup, avec un sans G. Avec un sans G. J'ai commencé la stup, j'ai commencé la stup, avec un sans G. J'ai commencé la stup, stup, stup, avec un sans G. J'ai grandi dans la Zus, Zus, Zus, mais un jour faut trancher. J'ai beaucoup charbonné, alhamdoulilah, toujours mangé. J'ai, on m'a fait du mal, je me suis juré de toujours me venger. Quand le rap c'est pas pareil, EVR ça change pas que des tarés. Cracher Paris et supporter l'OM. Moi c'est comme être musulman et fêter Noël. Tu me racontes qu'un rit pas, fais ta mère blague on rit pas. Tu nous accuses on nie pas, mais te voir le PG, ouais on dit pas. Tu me dis gros t'as qu'à passer par moi. Paye, cash gros prêt à vie. Tu fais tes heures rémunérées par moi. Moi je fais mes salades pour réussir ma vie. Réussir ma vie. Réussir ma vie. Vas-y Alka. Alka-P-O-T-E, ferme-nous le bal. C'est ferme le bal, Alka-Pote. L'orgasme mixtape 2 toujours disponible. Charro Life le 2 octobre, ça là. Ok. Yes, zizou, tcho-tcho. J'écris des couplets qui vont grave vite. Je fais des projets et des tas de feat. Autour de moi les policiers s'agitent. Des traîtres et des enfoirés gravitent vite. Vous pouvez le demander à granit. Je dois réchauffer la marmite. Déguster mon couscous garbite. C'est dans mon foyer que je m'abrite. Suce bien ma bite, je te décapite. Je fume pas avec toi, t'as l'hépatite. Je me sens asbite, je suis un vétéran. Je veux pas te baiser, je préfère me les branler. L'éléphant très méchant et présent. Je pète tes dents. Je m'exprime toujours en autoprod. Alka putain de pote l'homophobe. Je ne crains pas les robocop. Je représente les gros gogoles. Joue pas le mafieux, le parrain local. Je la mets dans la gorge ou le machin ovale. Je tâche en studio dès le machin au calme. J'évite les tapins et les catins trop sales. Un fréquent star tout comme Alain Soral. Frère, je me laisserai pas faire par un crotal. T'as des meuhards dans ton coffre. T'as des meuhards dans ton coffre. J'ai de la frappe dans ma poche. J'ai de la frappe dans ma poche. Toi, t'as de la frappe dans ton coffre. T'as de la frappe dans ton coffre. J'ai une meuhard dans ma poche. Tunisien, mais je reste international. Trouve-moi à l'Agora ou à la station Total. Je viens de la banlieue sud, je nique des prostituées, je fais saigner vos sinus, j'ai le profil dur, c'est Alka putain de pote, suce ma putain de pute, salope. C'était la session live à l'instant dans l'émission, dans le Planète Rap, avec Al Capote qui a ouvert et qui a conclu à l'instant. Petite dédicace, on vous écoute pour la session dédicace avant de faire tourner la roulette dans un instant. Masco, gardez la pêche. Les gars, pourquoi vous dites malin? Malin, il est là, ouais. C'est moi. Dédicace à tous les mecs, voilà. Scory, Pixon, Bang, Sengemania. Merci à vous pour cette journée. Merci aussi. Un gros big up. Un gros big up à mon pote Sosten Shai, Shaggy, mon frère derrière les barreaux depuis des années. Shaggy Makayabou, il y a Bois d'Arcy aussi, t'inquiète, Jax. Et à Bandal, Njili, Kinshasa, Brazzaville. Merci à vous. Juste avant de se quitter et de retrouver Difool, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. partie. C'est son pronom. Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Avec Adam qui vient faire tourner la roulette du côté de Marseille. Salut Adam. Ouais. Salut, ça va? Je te présente Niska qui est là ce soir et toute la semaine dans l'émission dans Planète Rap. Ouais, ça va quoi, Adam? Tranquille. Tranquille, à Marseille. Quoi, là, mon gars? Posé. T'es posé ou quoi? Posé, là. Ouais, posé, ouais. Ouais, très posé, Adam. Ah, tu me fais serrer, là. Hein, tu me fais serrer, Adam. Et Adam qui vient faire tourner la roulette. On y va, Adam. Dès que tu veux, tu dis stop. Stop. Ah, il est bon, il est bon. Il est chaud, Adam. Adam. Eh ben voilà, ça va jouer à domicile. Soprano, deux places pour le Dôme, c'est pour toi mon pote. C'est pour Sopra, la grosse tournée de Sopra, le Cosmo Tour à pas louper. Oh la chance. Eh ben c'est pour toi. Merci. Ben merci à toi Adam, passe une bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Ouais. Et bonne soirée à tout le monde, merci pour tout le monde, pour tous ceux qui sont déplacés ici dans le studio, ceux qui nous ont écoutés. Voilà. Merci Niska. Normal, hein. Encore une fois de plus, c'est nous, on te remercie, tu vois, de nous avoir accueillis ici. Et tu vas revenir demain. Ouais, on revient demain, toute la semaine, on revient. Toute la semaine jusqu'à vendredi. Comme jamais, voilà. Avec Charo Life, le projet. Voilà, Charo Life qui arrive le 2 octobre, encore une fois de plus. Et voilà, retrouvez-moi en concert, donc à Bordeaux, à Lille, à Lyon. Les dates, je crois que c'est... tu les as, Fred ? Oui, je les ai, c'est 27 octobre à Lyon, octobre. Le 31 octobre à Bordeaux, le 4 novembre à Lille et 5 novembre à la Cigale. Cigale de Paris. Voilà, voilà, voilà. Merci voilà. À vous tous. T'es Ubra, là, j'ai une question, là. Le freestyle d'anthologie, là, il est de combien de temps ? Le celui record. Qu'on vient de faire là, là. Non, ah, le record. Oui, quand on était petit, on l'entendait, les gens ils rappaient. Avec Mafia Quinfri notamment, ouais, à l'époque. Écoute, le record, on était pas loin de. Non, je crois que c'est Rof qui avait le record. C'était Rof, ouais, qui devait avoir le record, ouais. Combien? Je crois que c'était 45, 40, 37. 35. Sans s'arrêter. Ouais. Ok, on note. Cédric, tu confirmes ou pas comme tu es là? Je confirme, mais je crois que c'est bien ça. Ça, ouais. Sent, ça sent le challenge là. Mais avant, pourquoi ça sent le challenge là? Je trouve que ça sent le challenge. Ok, ça se renseigne, ok. C'est 37 minutes, mais je peux. Je vais vous retrouver le minutage. Vas-y, ok, pas de problème. J'ai un petit message vite fait à toute ma team Charo. N'hésitez pas à aller prendre des sapes. Sapez-vous en Charo. www.charo-shop.com. Voilà, on fait la pub, ma gueule. Voilà, merci à vous tous, Difool. Oui, on est là, nous. C'est bah oui, j'ai entendu. Je vois que les charros sont là aussi. Ah, et demain, le retour. 20h21h, qu'est-ce que vous avez pas fait? Non, le téléphone, mais ça appelle tellement. Il y a eu un gros live, donc on n'a pas eu le temps de prendre quelqu'un en ligne. Mais on le fera demain. Demain, vous appelez sur le téléphone de Niska. C'est le 06 71 74 84 15. 06 71 15. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est ça. Voilà le numéro de téléphone. Vous appelez, puis demain, vous passerez dans l'émission comme ça en live. Voilà, pas loupé. S'enfiler avec Niska. Merci, Niska. Merci, Fredo. De rien. Nous, on est parti là, ça y est, jusqu'à minuit. Ah bah, je sens ça et je crois qu'il va y avoir en plus beaucoup de choses ce soir. En fait, oui. Je voulais pas te le dire, Fredo, mais oui, plein de choses. T'as pas passé le fa, Fred? Non. Allez, on va se faire un petit le fa. C'est parti pour quelques minutes, le son de le fa. Qu'on retrouve terrible. Dans un instant. Il est terrible ce son. Hein. Terrible. Et l'album, c'est début d'année, hein, Fred? Ouais, normalement. Janvier 2016, j'ai envie de dire, mais rien n'est confirmé encore. En tout cas, le fa de la section d'assaut est déjà sur Skyrock avec des extraits de l'album qui sortira l'année prochaine. Et dans un instant, c'est quelques minutes. Je dirais même que dans quelques minutes, on écoute quelques minutes, wow. Même dans genre une minute trente, 2 minutes maxi, on est là. On est de retour avec vous, puis vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 53 40 30 20. Salut Clément, Antoine, Valérie, il y a Adèle qui nous dit bonjour. Bonjour à Audrey, à Adam, à Natacha et à tous les autres. Allez-y vous aussi à débarquer sur Sky. Il y a le fa qui débarque, toute l'équipe est là et Fred, ouais. Retour demain avec Niska 20h-21h. Fredo, oui, je suis là, je vais vous écouter attentivement. Très bien. Et en même temps, je dis au revoir un peu à tout le monde. Donc, Ah, d'accord, c'est ça. Oui, il faut vider le studio, c'est pas facile. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Demain, Planète Rap en live sur Skyrock, à pas louper. Merci Fredo, ciao. De rien, ciao. C'est parti ciao, avec le fa. Aïe, aïe, les quelques minutes à patienter, et puis il arrive. A tout de suite. Ils sont tous passés sur Skyrock, dans la radio libre de Difool, Black M. Yeah.